بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 34 بعد 100، 134 حديث، توجور دون باب الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que si jamais tu dis à ton partenaire, c'est-à-dire à ton voisin, celui qui est avec toi lors de la khutbah al-jumu'ah, tu lui dis de se taire, c'est-à-dire qu'il parle, et toi tu lui dis tais-toi, alors que l'imam est en train de faire la khutbah, alors tu seras ça distrait et tu auras perdu en fait la valeur de la récompense de ce jumu'ah. Ce jumu'ah ne sera pas compté pour toi. Naam. Qala fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymin rahmahullah ta'ala. Al-Rawi, le rapporteur, c'est Abu Huraira, dont on a déjà parlé, et qui est très connu. Maudou' al-Hadith, le sujet du Hadith, bayen uqubat al-mutakallim wal-imam yakhtub yawm al-jumu'ah, qui montre justement la punition, on dira comme cela, que subit celui qui parle alors que l'imam est en train de faire la khutbah al-jumu'ah. Qu'est-ce qu'il subit? Que son jumu'ah ne lui est pas compté. Sa khutbah al-jumu'ah ne lui est pas compté. Yaqulu fil sharh al-ijmali, l'explication globale du hadith. Al-maqsoudu min al-khutbah al-jumu'ah tawjih al-nas wa wa'dhuhum wa la yahsulu dhalika illa bil istima' lil-khatib wa lisgha ilayhi. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما على المتكلم حال الخطبة من عقوبة حيث تشاغل عنه بما يفوت المقصود. Donc il dit que justement l'objectif de ces deux khutbah de Jumu'ah, c'est d'enseigner aux gens, de les diriger, de les exhorter. Et cela ne peut avoir lieu qu'en écoutant avec attention ce que dit le khatib. Et dans ce hadith, Abu Huraira informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam informe justement de la punition qui attend celui qui parle alors que l'imam est en train de faire la khutbah, car cela le distrait, lui et autrui, et lui fait perdre, justement, l'empêche de pouvoir atteindre cet objectif, qui est d'écouter et de pouvoir en tirer profit. وتلك العقوبة أن تحرم فضيلة الجمعة حيث لغى ومن لغى فلا جمعة له. Et c'est quoi cette punition? C'est que en fait tu n'auras pas la récompense de ce jumu'ah, car elle aura été distrait par cette parole là. Et celui qui se distrait pendant le jumu'ah, celui-ci ne lui est pas compté. طيب يقول فوائد الحديث. Les enseignements utiles du hadith. وجوب الانصات لخطبات الجمعة. Qu'il est obligatoire de se taire durant les deux khutbat de Jumu'ah. ثانيا تحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة ولو بالنهي عن المنكر ورد السلام ونحوه. Qu'il est interdit, c'est-à-dire illicite, de parler alors que l'imam est en train de faire la khutba le jour de Jumu'ah, pendant sa khutba, ne serait-ce que même pour empêcher un mal ou pour rendre le salam à quelqu'un. Tu te tais, tu n'as pas à parler. ثالثا أن عقوبة المتكلم حرمانه من فضيلة الجمعة. Et que justement la punition concourt celui qui aura parlé, c'est qu'il sera privé de la récompense de ce jumu'ah, qu'il ne sera pas compté. رابعا جواز الكلام بين خطبتين. Et ce hadith indique en fait qu'il est permis de parler pendant les deux khutbah, c'est-à-dire au moment où l'imam il est assis. Le moment qui est interdit de parler, c'est lorsque l'imam est en train de parler lui-même, en train de faire la khutbah. Dès qu'il a commencé la khutbah, plus là, il est obligatoire de faire le silence. Lorsqu'il s'assoit, les gens, s'ils ont un truc à dire, ils peuvent le dire à ce moment-là. Dès qu'il se relève et qu'il reprend la deuxième khutbah, à ce moment-là, il faut garder le silence jusqu'à ce qu'il ait fini. Non. Et là où je voulais, la faïda que je voulais citer il y a deux jours, à peu près dans un ders, à propos des deux rakat de Tahiyat el Masjid. Les deux rakat de salutation du Masjid. C'est que des fois, il arrive que la personne arrive au Jumu'ah au moment où l'imam, ou plutôt le muazzin, fait l'azan. Donc la personne ne sait pas quoi faire. Elle se dit, est-ce que j'attends que je répète ce que dit le mu'adhin et j'attends, et après je fais deux rakat, ou je les fais dès maintenant, et je perds la récompense d'avoir répété les paroles du mu'adhin. Là-dessus, ça amène à un litige. Et l'avis qui paraît comme étant le plus fort, c'est qu'en fait, tu fais les deux rakat même au moment de l'adhan. Pourquoi ? Car répéter ce que dit le mu'adhin, cela est une chose qui est recommandée. Mais écouter ce que dit le khatib lors de la khutbah, cela est obligatoire. Donc qu'est-ce que tu fais devancer ? Tu fais devancer l'obligatoire sur le mustahab, c'est-à-dire que tu fais en sorte de pouvoir faire l'obligatoire, quitte à délaisser un mustahab, et non pas le contraire. Donc le meilleur, wallahu ta'ala alam, c'est de faire directement les deux rakat, même pendant la vanne, pour pouvoir enfin s'asseoir et écouter l'imam directement, plutôt que de faire deux rakat au moment où l'imam y parle, alors que tu aurais pu les faire avant. Ça, c'est l'avis qui paraît comme étant le plus fort des deux. Allahu ta'ala alam. Walhamdulillah rabbil alamin.